sans radio en télé. Certains disent que j'ai changé. Rendu en verre, Merco ou T-Max. Aujourd'hui j'ai du papier. Numéro 1 sur iTunes, je dirige. Celui qui veut s'opposer. Dis-le-moi si t'es jaloux. Toi tu es jaloux, jaloux, jaloux. Est-ce que t'es jaloux, jaloux, jaloux? Toi tu es jaloux, jaloux, jaloux. Ils finiront par m'aimer. Dis-le.